Elle m'a fait rater l'école, retenu ma respiration. Elle m'a fourré dans la dope me tente, les dopes et les stops. Main dans la main sur des kilomètres, on sait plus l'un l'autre. Elle m'a marqué au fond, compris comme un vrai pote. Elle m'a fait tourner la tête dans le brouillard. Elle m'a fait délirer, elle m'a mis d'humeur noire certains soirs. Mais elle, je l'aime, oblige à crier ma haine. Vider le corps comme un raclo au bois de Vincennes. Elle m'a levé de bonheur pour forcer le bonheur. On s'est dit pour le pire et le meilleur. Le plus souvent, elle t'enrôle dans ses rangs. Dans le grade du plus vaillant, tu veux le rôle. Mec, tu rôles, souvent dans ses plaines arides. À risquer, à braquer, à fumer de la weed. Sans démarquer, t'es masqué, voilé. Sur un fil au bord du gouffre. Tu souffres, tu t'étouffes, mais qui bouffe de rire, poteau. C'est elle, la traumatisante, elle. La déconcertante, oppressante, loi des rues, elle. Pour ma part, elle m'a eu, général à mes jours. Séjour au l'arrache, pousse à faire des détours. Mais pourquoi pas un séjour à l'ombre ou ailleurs. Mon rêve, c'est d'être ailleurs. Faudrait pas qu'on finisse buté au fusil mitrailleur. Par ailleurs, elle prend mes potes, fait capoter mes jackpots. Narque le temps, tu perds ton temps. Ici, tu pètes ton temps. Les putains de conseils de la rue, moi j'en veux plus. C'est fait de vos jeux, les dés sont lancés, rien ne va plus. Je l'aime et je la porte dans mon cœur. Même si parfois elle est dure quand elle foudroie mes frères. Ses sœurs, elle m'a dit, même si tu pars loin de moi, je serai toujours là accroché à toi comme un aimant. L'hiver vêtu de blanc, ou l'été quand elle rayonne sous le soleil. Le soir c'est avec elle que je sors. Elle m'observe quand je dors. Elle sait qu'on se fait du mal quand on se parle mal. Elle m'a dit viens dans le tunnel, si t'es un bonhomme. Comme j'en suis un, je l'ai suivi, elle m'a sorti son magnum. Elle a tiré à côté de ma tête pour m'intimider. Véridique, elle m'a laissé repartir. C'est ridicule parce que je la calcule plus. Elle devient agressive, possessive et prise de jalousie dans sa frénésie excessive. Elle m'a refilé sa maladie, la haine. Quand sur labyrinthe à deux issues, elle m'entraîne à faire comme elle. Elle a les simples, manger la gamelle, qui sait. Elle me double, elle avance rapide le jour de mon décès. Elle me double, elle me trompe, c'est comme enfanté, me corrompt. Elle fout mes sentiments, nuit à ma santé, elle veut pas rompre. Pendant que je bosse pour elle, elle s'empare de moi. Pendant que je pense à moi, elle décide de tout. Quand je crois que je l'anticipe, elle s'occupe de tout. Remplace le mot elle par la rue et tu me comprendras d'un coup. Elle te promet de prendre des thunes si demain tu sois des bitumes. Et elle traîne avec l'amertume des mecs qui fument pour une thune. Cherche le pourquoi de sa présence, ça c'est pas notre hiérarchie. C'est malheureux mais c'est comme ça, elle fait partie de celle qui en chie. Elle me fait pas perdre tout espoir, malgré elle je reste un homme heureux. Quand tu dis que t'as tout perdu, qu'elle fait de toi ce qu'elle veut. Au début elle te plaira, à la longue un peu moins. Hier quand je pense tu l'admirais, c'est elle qui te butera demain. Elle travaille à la parole parce que t'as mêlé drogue, alcool. Chez elle tu faisais des idoles quand tu prenais la parole. Alors avec lui t'as pris conscience de ton palmarès. Je me rappelle encore vos pépères, on contrôle à l'aise, laisse. Je l'aime et je la porte dans mon cœur. Même si parfois elle est dure, quand elle foudroie mes frères, ses sœurs. Elle m'a dit, même si tu pars loin de moi, je serai toujours là accroché à toi comme un aimant. L'hiver vêtu de blanc, ou l'été quand elle rayonne sous le soleil. Le soir c'est avec elle que je sors. Elle m'observe quand je dors. Elle sait qu'on se fait du mal quand on se parle mal. Je l'aime et je la porte dans mon cœur. Même si parfois elle est dure, quand elle foudroie mes frères, ses sœurs. Elle m'a dit, même si tu pars loin de moi, je serai toujours là accroché à toi comme un aimant. L'hiver vêtu de blanc, ou l'été quand elle rayonne sous le soleil. Le soir c'est avec elle que je sors. Elle m'observe quand je dors. Elle sait qu'on se fait du mal quand on se parle mal.